We'll be right back. Thank you. sur ta guitare. Allez, Giorgio. Come on, Giorgio. aussi. Mister Karma. Un peu dissipé les guitaristes. Chacun son tour, mes amis, chacun son tour. Et maintenant c'est le tour de Giorgio. Allez Giorgio, tire sur le manche. Giorgio. Avec Giorgio. Il n'y a jamais de pause. Calme-toi, Giorgio, calme-toi. Merci, merci Paris, Paris, merci, Paris, merci Giorgio, Karma 7. Vous êtes fous, vous êtes tous fous, sur vos manches, vous astiquez trop vos manches les gars. Personne connaît ça. Personne connaît.